Comme il faut trop. Dans ce système démocratique de trop tôt. Pour les vols mettraient d'avant. Dans ce pas passerait ce serait une façon. Les autres brûlent de plus beau. Les saillants ne seraient pas pauvres. Du bist ja zu meiner Schuppe. Du kriegst du in der Ruck. La la la la la la. Du bist ein Jan zu meiner Schuppe. Du kriegst du in der Ruck.